Retrouvons Gérard Mayens, journaliste et critique sur la danse, qui nous parle de Vincent Dupont et particulièrement de ce spectacle Maître en pièce. Cette pièce, Marie, une danse qui m'a beaucoup troublée parce qu'elle est extrêmement nette, claire, indubitable, précise, concrète et pour autant complètement énigmatique. Le texte de Peter Hank, outrage au public, dans tout spectacle, toute situation de spectacle, tout ça n'est qu'un jeu de conventions, de codes, où nous avons des rôles, le spectateur a son rôle, on sait très bien que tout ça c'est de la supercherie quelque part, mais nous voulons y croire, nous voulons y adhérer. Tout ça n'est qu'un jeu, sachez-le, mais alors, puisque vous le savez, ben, vous pouvez vous embarquer encore plus loin. C'est très très étonnant, c'est dérangeant, c'est très puissant. Ben, qu'est-ce qui se produit qui fait que à un moment, eh bien ça déborde, ça se détache, ça part, on part avec, ça devient la poésie, du trouble, du rêve, de l'engagement, de la provocation à penser, de la philosophie, de la beauté. Allons-nous nous étonner? Ah ben, ces personnages sont extraordinaires, ces costumes sont extraordinaires, ces gestes sont extraordinaires. Je suis ailleurs, je suis dans un mouvement de la poésie. Le mouvement est global, j'accepte de m'y plonger, de partir avec. C'est une grande traversée poétique.